cours numéro 21. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Qala al-allama Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullahu ta'ala al-Sabi' Ashar, le 17e et dernier fruit, hadihi al-Thamarat l'Iman que Sheikh Sa'di rahimahullah il a cité à la fin de cet ouvrage. قال ومنها أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب والذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. الحديث دونك إلى في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث il a cité deux catégories de croyants. Mathalul mu'min alladhi yaqra al-Qur'an. La première partie, ceux qui récitent le Coran, ceux qui lisent le Coran. Bien sûr, ça implique de le mettre en application. Al-Qur'an hujjatun lak aw alayk. Donc, la première catégorie, ceux qui lisent le Coran et qui font tout pour le mettre en application. Il les a comparés à al-utrujja. Ce fruit, en français, c'est le cédra. Et l'arbre, c'est le cédratier. Ce fruit, c'est comme un citron. Ça fait partie des agrumes. Et c'est comme un citron. Une couleur jaune, un peu marron. Et c'est un fruit, il est assez méconnu, mais il est très, très réputé. Il est réputé pour son goût et son odeur. Jusqu'à aujourd'hui, ceux qui connaissent ce fruit... Une de ses particularités, Anaou, il a une très très bonne odeur. Et tu sens de loin. Enfin, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé le mu'min qui récite le Coran et qui le met en application. Bil utrujja, ce fruit, ta'muha tayyib, ce fruit il a un bon goût. Warihuha tayyib, et kadalik, ce fruit il a une très très bonne odeur. Walladhi la yaqra al Coran, celui qui ne lit pas le Coran, kamathali tamra. Ce mu'min, il délaisse la lecture du Coran. Et ça arrive, hein. Ce mu'min, il est comparable à une date. Ta'amuha tayyib, la date elle a un bon goût, lakin il n'a pas d'odeur. Ce fruit n'a pas d'odeur, la date elle n'a pas d'odeur. Enfin, hakada, ce mu'min, hada, ça montre quoi? Et pourquoi Cheikh Sa'di l'a cité hada al-hadith huna? Pour montrer que les mu'minis ne sont pas au même niveau. Al-iman yazidu wa yanqus, kama taqaddam. La foi elle augmente, elle diminue. Qala wa ha'ula al-qisman hum khayrul khaliqa. Ces deux catégories, elles font partie des meilleures créatures. Les croyants, ceux qui ont une foi élevée, la preuve, ils lisent le Coran, ils font tout pour le mettre en application. Et d'autres croyants qui ont certains manquements, certaines faiblesses, lakin ça reste des croyants, ils ont énormément de bien. Lakin, ils ont un rang moins élevé que la première catégorie. Thomas Cheikh Sa'di قال, فَإِنَّ النَّاسَ أَرْبَعَةُ أَقْسَمْ. Les gens en général, ils sont de quatre catégories. Les deux qu'on vient de voir sont ma deux autres. Qala, la première catégorie, khayrun fi nafsi, muta'addin khayruhu ila ghayri. La première catégorie, c'est ceux qui font énormément de bien. Ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala, ils lisent le Coran, etc. Et leur bien, il est muta'addin ila ghayri. Muta'addin, at-ta'addi, c'est que leur bien, il touche les autres. قال وهو خير الأقسام. C'est la meilleure catégorie sur les quatre. فهذا المؤمن الذي قرأ القرآن وتعلم علوم الدين فهو نافع لنفسه متعد نفعه إلى غيره. Vu que ce mu'min, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a cité dans ce hadith, qu'il est le Coran, et vous avez remarqué que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il l'a comparé à ce fruit. Le fruit, tu peux en profiter niveau nourriture, le manger, c'est-à-dire que tu peux en profiter le fait de le sentir. Maintenant, tu es dans un jardin où il y a ce genre de fruits, tu vas profiter de cette odeur. Hakada al-mu'min qui lit le Qur'an. Et s'il lit le Qur'an, c'est qu'il donne l'importance au ilm. Et s'il met en application, c'est qu'il met en application la science qu'il a apprise. Et s'il met en application la science qu'il a apprise, il va faire profiter les autres, il va faire da'wa. Hada khayrul aqsam. Pourquoi? Parce que il fait des efforts sur lui-même et kadhalik, il montre le bien aux autres. Il fait da'wa ila Allah. قال متعد نفعه إلى غيره مبارك أينما كان كما قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت أينما كان هذا الشخص يد البركة Un des meilleurs exemples, c'est le prophète Isa, alayhi salatu wassalam. وَجَعَلَنِي أي Allah subhanahu wa ta'ala جَعَلَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ أَيْنَمَا كَانْ Il avait de la baraka. وَهَكَدَ السَّائِرُ الْأَنْبِيَ Et celui qui a fait le plus de bien, qui a propagé le plus de bien, c'est le dernier des messagers, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et les suiveurs du prophète sallallahu alayhi wasallam, par rapport à leur foi, par rapport à leurs efforts, ils auront une partie de cette baraka. Tu trouves, al-ulama, hatta ba'd talabat al-ilm, annahum, où qu'ils vont, tu les trouves, il y a des fruits bénéfiques de leur présence. Ils sont dans cet endroit, ils parlent de din, ils montrent. Ils vont dans cet endroit, ils voyagent, ils montrent din. Où qu'ils vont, walillahilham. Et kadalik, dans n'importe quel endroit où ils se trouvent, ils font des efforts pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu trouves des gens, ils profitent. Imma, une nasiha qui va recevoir de ce mu'min. Imma, une mise en garde contre une chose mauvaise. Imma, un rappel qui va te motiver, qui va te donner encore plus de force. Ila akhir. Ça, c'est la première catégorie, l'importance de l'ilm. Vous avez remarqué que dans tous ces dorous qu'on a fait, on a souvent cité l'ilm. Vous avez remarqué que c'est la caractéristique pour te différencier des ignorants, bien sûr. Et que c'est la principale caractéristique pour que Allah t'élève, avec la foi, bien sûr. قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. C'est pour ça que si tu veux être élevé ici-bas et dans l'au-delà, tu veux faire une chose, faire des efforts dans une chose, consacrer ta vie à une chose qui sera une cause pour t'élever ici-bas et dans l'au-delà, fais des efforts dans l'ilm. Et on vient de citer ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'autres preuves. La deuxième catégorie, وَطَيِّبٌ فِي نَفْسِهِ صَاحِبُ خَيْرٍ وَهُوَ الْمُؤْمِنَ الَّذِي لَيْسَ عِنْدَهُ مِنَ الْعِلْمِ مَا يَعُودُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ Deuxième catégorie, c'est un mu'min qui aime la vérité, qui met en application autant qu'il peut, lakin il est limité, bien sûr, par rapport à son ignorance. Il n'a pas de science. Enfin, même s'il veut montrer le khayr, même s'il veut faire certaines choses, il ne peut pas. Ça nous montre, هذا التقسيم الطيب, أن المؤمن, il doit savoir, il doit connaître son rang, ses capacités, et il doit savoir s'arrêter. هذا المؤمن qui aime le khayr, s'il ne peut pas faire profiter les autres, c'est pas tout le monde qui peut faire un nasiha, c'est pas tout le monde qui peut mettre en garde, c'est pas tout le monde qui peut faire un da'wah. Lakin ce mu'min, selon ses capacités, et à la kulli hal, s'il se limite à ce qu'il sait, il est à la khayr. C'est pas tout le monde qui peut faire un da'wah, c'est pas tout le monde qui peut se mettre en avant pour propager la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est très très important. La caractéristique principale kama taqaddam pour propager le khayr, c'est la science. Et la science, c'est bit-ta'allum. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, innama al-'ilm bit-ta'allum. La science, pour l'acquérir, il faut faire des efforts. Tu trouves, بعض المسلمين, ils ne font pas d'efforts في العلم. خاصةً العلم الشرعي, c'est pas un jour, c'est pas deux jours, c'est pas six mois, c'est pas un an. Là, c'est une certaine période pour acquérir des fondements solides, pour avoir la capacité de montrer, de repousser al-shubah, etc. Tu trouves, بعض المسلمين, ils ont cette envie de faire le bien, mais à cause de leur ignorance, ils rentrent dans des choses, ils se mettent en avant, et au lieu de rester dans la deuxième catégorie, ils sont à la khayr, on répète la deuxième catégorie, طيبون في نفسه صاحب خير. Il fait salat, il fait siyam, il aime la vérité, etc. Il est à la khayr, azim. Tu trouves le shaitan, vu qu'il essaie d'égarer à tout prix ce musulman, il essaie de le faire croire que là, tu dois être comme la première catégorie. Là, si tu veux être comme la première catégorie, ceux qui propagent la vérité, fais des efforts, fais l'ilm. Ça ne veut pas dire que la deuxième catégorie, il ne propagera rien. Là, il y en a ce mu'min qui est à la khayr, il connaît des choses. Maintenant, il connaît le fatiha. Si un musulman il a besoin d'apprendre le fatiha, enseigne-lui. Dans ce cas-là, même si ce mu'min c'est un ami, dans ce cas-là, le cheikh il a la récompense. L'imam al-Yanahu, il propage ce ilm. Lakin, nahnu, ce qu'on veut... La remarque qu'on veut faire ici, c'est Akhil Karim, fais attention de ne pas dépasser certaines limites. Le shaitan, il te pousse, alors que tu n'es pas prêt, tu n'es pas apte, ça peut faire énormément de mal. Donc la deuxième catégorie, وَهُوَ الْمُؤْمِنَ الَّذِي لَيْسَ عِنْدَهُ مِنَ الْعِلْمِ مَا يَعُودُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ Donc il n'a pas les capacités de transmettre la science, pourquoi ? Parce qu'il ne l'a pas. Et donc, هذا الشك أنه il a un niveau inférieur au premier. Dans tous les cas, les deux catégories sont عَلَى غَيْرِهِ Ça nous montre كذلك يا إخوان, on doit faire des efforts pour faire partie de la première catégorie. Ceux qui font du bien et كذلك qui transmettent le bien. L'iman, la récompense, elle est énorme. Et on l'a déjà cité dans plusieurs douloureuses, plusieurs fois. Ad-dallu ala al-khayr kafa'il. Si tu montres, tu enseignes à quelqu'un al-khayr, mabalouk, tu lui enseignes tawhid, tu lui enseignes comment faire salat, tu lui enseignes comment jeûner le mois de Ramadan, tu lui enseignes al-adhkar, tu lui enseignes la lecture du Coran. وَلَا يَنْقُسْ مِنْ أُجُورِهِمَا شَيْئًا قَالْ نَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَنْقُسْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا plutôt. Et tu as la même récompense que lui, et celui qui fait le bien, en rien, sa récompense, elle va diminuer. Il a la récompense, lui, c'est lui qui fait l'œuvre. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne la même. Pourquoi? Parce que c'est toi qui lui as montré. Mabalouk, celui qui montre à 2, à 3, à 10, à 1000, à 1000 personnes, enfin les 1000, toutes les œuvres qu'ils font, ouais, il a une partie. Donc, là, ça demande des efforts. Là, ça demande des sacrifices. Lakin, la récompense, عند الله, elle est azim. Celui qui consacre sa vie à هذا, qui fait des efforts à هذا, et son intention c'est هذا. رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. Son intention c'est هذا quand il apprend pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et كذلك pour être utile pour ses frères, pour être une cause pour repousser al-batil, pour propager at-tawhid wal-haq wa-sunnah. فهذا لا شك انه الى خير عظيم. قال فهذان القسم القسمان هم خيار الخليقة. Donc ces deux catégories c'est les meilleures créatures. والخير الذي فيهم عائد إلى ما معه من الإيمان القاصر والمتعدي نفعه إلى الغير بحسب أحوال المؤمنين. Vous avez compris l'un pourquoi Cheikh Saadi rahimahullah il a cité ce hadith, Thomas ces catégories dans les fruits, le 17e fruit. Et pour montrer que celui qui a la foi, il fait partie des meilleures créatures. Et ça, l'achat annahu, c'est très très profitable pour le mu'min. قال ومن هو عادم للخير. La troisième catégorie. On répète, Cheikh Saadi rahimahullah, qala, annasu arba'atu aqsam. Les gens, ils sont de quatre catégories. Les deux premières catégories, c'est les croyants. La première, ceux qui croient, qui font du bien et qui propagent le bien, c'est la meilleure catégorie. La suivante, la deuxième, ceux qui croient, qui font du bien, et leur bien se limite à eux-mêmes, en général. Aula, c'est la deuxième catégorie. La troisième, ومن هم عادم للخير ولكنه لا يتعدى ضرره على غيره. Troisième catégorie, il n'a pas de lien, le kafir. عادم للخير, c'est le kafir. Mais le mu'min, quelle que soit sa situation, tant que c'est un mu'min, même s'il a des manquements, même s'il fait des péchés, etc., il a khir al-iman. Malgré ses manquements. أما عادم للخير, ça vient de l'adam. Il n'a aucun bien. هذا, c'est le kafir. ولكنه لا يتعدى ضرره على غيره. لكن son mal, il ne touche pas les autres. Tu as beaucoup de kuffar qui font partie de cette catégorie. Kafir billah azza wa jalla, il ne croit pas, c'est un athée, mathalan, et il ne fait pas de mal aux autres. Il dit, je respecte, vous êtes libre, vous avez votre croyance, votre religion, je vous respecte, mais je ne crois pas. Kafir billah. Lakin, tu ne seras pas touché par son mal. La quatrième catégorie, ومن هو صاحب شر على نفسه وعلى غيره. هذه, c'est la pire des catégories. Annahu, il n'a pas de bien. Sahib Shar, il fait énormément de mal. Et كذلك, il fait du mal aux autres. Et il combat l'islam. Et il accuse. Et il se moque. قال فهذا شر الأقسام الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. تأمل قوله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. Vous avez remarqué que Allah, il a cité le wasf, le kufr. Ce wasf, il est mouchtarak entre la quatrième et la troisième catégorie. Même la catégorie d'avant, c'est des kuffars. Lakin, dans ce verset, قال عز وجل وصدوا عن سبيل الله. Il a ajouté une chose, Allah subhanahu wa ta'ala, pour décrire cette catégorie. Annahum, ils ne croient pas, et كذلك, ils combattent l'islam. Ils font tout pour eux, mettre des bâtons dans les roues, et accuser les croyants, et se moquer, etc. Ha'oula, il n'y a aucun doute qu'ils sont pires que leurs frères kuffars, qui ne répondent pas leur mal. Thomas, en général, hatta la troisième catégorie, tu trouveras بعض هؤلاء, même s'ils n'appellent pas, même s'ils ne combattent pas l'islam directement, حيانا, tu les trouves, annahum, ils supportent certains kuffars qui propagent ila akhari, lakin, on ne peut pas citer tous les détails. Une catégorie, il peut avoir des manquements, une exception, ila akhari. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. Ça nous montre أن الكفار, ils ne sont pas au même niveau. Comme al-mu'minun darajat عند الله عز وجل, les croyants ils sont de différents degrés عند الله. C'est pour ça que la récompense al-jannah, il y a plusieurs degrés par rapport aux efforts de chacun. وهكذا الكفار finar darakat. Tu peux parler de degré pour les croyants, et ça monte. Et tu peux parler de niveau pour les kuffars, ça descend. فَلِهَذَا قَالَ عَزَّ وَجَلَ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ. Les kuffars, ils n'ont pas tous le même châtiment. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas tous le même mal. Cheikh Saadi, là, c'était la troisième et la quatrième catégorie. قَالَ فَعَادَ الْخَيْرِ كُلُّهُ إِلَى الْإِيمَانِ وَتَوَابِعِهِ وَعَادَ الشَّرْ إِلَى فَقْدِ الْإِيمَانِ وَالْإِتِّصَافِ بِضِدِّهِ وَاللَّهُ مُوَفِّقِ. C'est pour ça qu'il a cité donc ces catégories. Pourquoi? Parce que tout le bien se trouve dans la foi, la première et la deuxième catégorie, et tout le mal se trouve dans le fait de ne pas avoir cette foi, la mécréance. Et la mécréance, c'est différents niveaux. قال وشبيه بهذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. الحديث il est صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. Comme c'est cité en note de bas de page. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. Vous avez remarqué que les deux catégories, le prophète صلى الله عليه وسلم les a cités dans ce hadith. قال الشيخ السعدي رحمه الله فقسم صلى الله عليه وسلم المؤمنين إلى قسمين. قسم قوي في عمله وقوة إيمانه وفي نفعه لغيره وقسم ضعيف في هذه الأشياء. Vous avez remarqué que al quwa et dha'f dans ce hadith, la force et la faiblesse, c'est pas par rapport au physique. Là, comme قال الشيخ السعدي, c'est par rapport au ilm, par rapport au amal, la mise en application, la science, la foi. Tu trouves certains, ils sont forts fi hadha al-bab, ils ont une foi élevée, et tu trouves certains ils ont des manquements, ils ont de la faiblesse. Tu trouves certains croyants, ils sont très faibles physiquement, mais ils sont forts dans leur foi. Tu trouves d'autres, ils sont très faibles physiquement. Ah ouais, ils sont très forts physiquement, et ils sont faibles dans leur foi. Donc, c'est pas par rapport au physique. Donc, à la kulli hal, c'est un autre dalil que les croyants ne sont pas tous au même niveau. Et kadhalik, c'est un dalil, la'allahu taqaddama ana, que la foi, elle augmente et elle diminue. Le prophète, il a parlé de quwa et de dhaaf. Il a parlé de force et de faiblesse. Et ça augmente la force pour devenir fort et ça diminue pour devenir faible. قال ومع ذلك ففي كل من القسمين خير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي كل خير. Ça montre à ton frère mu'min, même s'il a des faiblesses et toi tu as appris, même s'il a des manquements et toi tu arrives à faire certaines choses, ne le rabaisse pas. Ne le rabaisse pas, ça reste ton frère. فيه خير عظيم. وما تدري, aujourd'hui tu es plus fort que lui dans la science, dans certaines choses. Ma tadri. Ma tadri. Khasatan, ceux qui se moquent. Allah subhanahu wa ta'ala, il te retire cette ni'ma et il lui donne. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout. Al-mu'minun ikhwa. Innama al-mu'minun ikhwa, comme a dit Allah azza wa jal. Et al-ukhwa, ça implique ça. Le fort, il aide le faible. C'est exactement comme l'ukhwa. La fraternité de sang, les liens de sang. Est-ce que ton frère, si tu es un frère, matalan, un frère de sang, et il a des faiblesses, est-ce que tu vas le terminer, tu vas l'achever? Abadan. Au contraire, ton frère de sang, si il a des faiblesses, on parle physiquement ici, il a un handicap, il a une maladie, tu as de la pitié, tu fais tout pour l'aider. Hakada ton frère, al-mu'min, s'il a des faiblesses, fil ilm ou fiti. Ça doit te toucher et tu dois être reconnaissant, alhamdulillah, que toi tu arrives et tu dois l'aider. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ad-Din, ça doit nous corriger, nous réformer, nous améliorer. Je trouve le Ba'd, c'était des Awam, ils étaient tayyib, ils s'entraidaient, ils avaient une certaine gentillesse, etc. Tu le trouves, il fait certains efforts dans l'ilm, une semaine, deux semaines, un mois, deux mois. Halas, mauvais comportement, dureté, l'ibad, pourquoi? Qu'est-ce que tu essayes de prouver? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui facilite. Enfin, plus tu apprends, plus Ad-Din, ça doit te corriger. Ad-Din, ça doit t'apprendre la modestie. Ad-Ilm, ça doit attendrir ce cœur. قال رحمه الله ومع ذلك ففي كل من القسمين خير لأن الإيمان وآثاره كله خير وإن تفاوت المؤمنون في هذا الخير. Encore plus, ya ikhwan, à notre époque. On vit une époque de fitna. Al-awam, ils sont combattus de toutes parts. Al-awam, ils font partie de la deuxième catégorie. Al-mu'minun, ils n'ont pas les capacités de propager le bien, etc. Les mal, les noms, ils sont limités dans beaucoup de choses et ils ont beaucoup de manquements. Et on n'est pas à l'abri des manquements, on a tous des manquements, mais certains encore plus. Mais ça, c'est nos frères, yaikhwan. Et comme on dit, comme on vient de dire, ils sont combattus de toutes parts. Al-mushrikoun, al-kuffar, les hypocrites, les innovateurs, entre eux, les pauvres. Nous, on vient et on ajoute. Ba'dhum, il passe pas le salam à tel ami. Pourquoi? Parce qu'il a fait tel vida. Et taqillah fi nafsik. Si c'est un ami, c'est un ignorant, اصبر معه منتخ لوي تامل لو كومبورتمون كو النبي صلى الله عليه وسلم الى هو avec الضعفاء le comportement qu'il a eu avec certains bédouins qui n'avaient pas accès à la science comme les autres compagnons radiyallahu anhum. L'exemple que l'ulama ici c'est ذلك الاعرابي qui est rentré dans le masjid qui a uriné. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a eu de la hikma. لماذا لانه savait pas montre lui بالتي هي احسن. Ce bédouin qui a pris le Nabi sallallahu alayhi wa sallam par ses vêtements et qui l'a secoué et il voulait une part du butin. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit donnez-lui. لماذا لأن tu te comportes pas avec ceux qui ont certaines capacités qui ont accès au ilm comme d'autres qui n'ont pas. Je trouve بعض العوام يا إخوان والله l'alphabet ils ne savent pas la lire. Un dars ils ne l'ont jamais écouté. Ils acceptent l'islam, ils ont accepté l'islam, c'est des croyants avec qui ils ont d'énormes manquements. Nous si on vient à se les mettre à dos, et à l'amour, العوام هم ils fonctionnent au comportement. Ils n'ont pas le mizan de l'ilm, il faut que tu m'amènes un dalil. Abadan. Eux c'est beaucoup la fierté le comportement. Tu es contre moi, je suis contre toi. Tu es gentil, je t'écoute. Al-mu'min, al-sunni, al-salafi, talib al-ilm encore plus, il doit comprendre ça. Tu trouves al-masajid, il y a des awam, wallah, ils ont du khayr. Lakin, des awam avec des manquements, avec une certaine fierté. Khassatan, ils étaient avant tel étudiant, avant tel sunni dans ce masjid. Enfin, tu trouves c'est le harb entre les jeunes et haoula al-awam. Pourquoi ? لماذا لأن si tu n'apprends pas ton din et tu n'as pas هذا العلم pour te faire comprendre la situation des autres ربما tu vas avoir un comportement et tu vas penser résoudre les choses alors que tu fais que du mal والله هؤلاء العوام l'immense majorité في المساجد si طالب علم a un bon comportement il leur donne une certaine importance tout doucement pour retirer certaines traditions etc vous verrez qu'il y aura un énorme khayr. Ah, tu trouves بعض الإخوة ils rentrent au masjid, ils voient le vieux matalan qui fait subha avec le tasbih avec le chapelet. Tu trouves harb كأنه il parle avec un jahmi ou un rafidi. C'est pas comme ça sunna. بالتي هي أحسن. Lui il faisait il utilisait cette subha, ربما t'étais pas né. Et il lisait le Coran matalan en groupe de cette façon, ربما t'étais pas né. Enfin, il faut montrer بالتي هي أحسن tout doucement lui montrer. Amma, tu viens là, c'est une bid'a. Lui, il comprend quoi ? Il comprend que faire du zikr, c'est une bid'a. Ou tu le hajr parce qu'il a lu le Coran. Lui, il pense que tu ne l'aimes pas parce qu'il est le Coran. C'est grave, ya ikhwan. Toute cette nasiha pour montrer anna qawl al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa fi kullin khayr, c'est un dars pour nous. Tant que c'est un mu'min, il a du khayr. Amma, il combat le haq. Il connaît le haq. Et il tahazzab les fi'a, ou firqa, ou hizb. Et ça devient munharif, et il combat bi'ilm, etc. Ah, là, c'est autre chose. Le comportement avec l'innovateur, il est ma'rouf. Là, on parle, nous, de ha'oula al-du'afa. Il va bien différencier ces catégories. Qala, wa mitlu hadha qawluhu sallallahu alayhi wa sallam al-mu'min alladhi yukhalit al-nas wa yasbir ala adha'hum khayrun min al-mu'min alladhi la yukhalit al-nas wa la yasbir ala adha'hum. Vous avez remarqué, kadalik, dans ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité deux catégories. Et il a montré à celui qui patiente sur les autres et qui se mélange aux autres. Il se mélange pourquoi ? Pour propager le khayr. Et là, chaque si tu te mélanges aux autres, même si c'est pour faire da'wa, tu entendras certaines choses, tu verras certains comportements. Ça demande de la patience. Celui qui patiente, il est mieux que celui qui ne se mélange pas et qui ne patiente pas. Donc ça nous montre à l'mu'min, il doit faire des sacrifices. Et ça nous montre qu'on doit patienter sur nos frères. La moindre chose est le hajr. La moindre chose, je ne vais plus dans ce masjid. Dans des villes, dans certaines villes, tu trouves, il y a un masjid ou deux masjids, tu trouves certains, ils ne vont plus au masjid. Limada, ya ikhwa, c'est une obligation pour al-rijal, etc. Là, mais Foulen, le président, il a dit, le trésorier, il a fait. Taqullah, tu ne vas pas au masjid. Bon, va au masjid, ou sbir ala adhahum. Et Allah, et aktharhum, c'est des juhal. Et si tu n'as pas de ilm, fais da'wah avec ton bon comportement. Et tu verras. Même si quelqu'un accuse le sunnah, le salafiyoun, justement, les frères, ils ont un bon comportement, les gens ils diront, c'est pas vrai. Ou là, on les voit tous les jours, ils ont un bon comportement, ils sont serviables, ils sont doux, etc. Si tu rajoutes avec hadha al-ilm, vous verrez que la da'wa, elle se propagera très très vite. قَالَ وَمَفْهُمْ هَذِهِ النُّصُوصَ الصَّحِيحَ الْمُحْكَمَةَ أَنَّ فَاقِدَ الْإِيمَانَ لَا خَيْرَ فِيهِ لِأَنَّهُ إِذَا عُدِمَ الْإِيمَانَ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الشَّخْصَ أَحْوَالُهُ كُلُّهَا شَرٌّ وضرر على نفسه وعلى المجتمع من جميع الوجوه وإما أن يكون فيه بعض الخير الذي قد انغمر بالشر وغلب شره خيره والمصالح إذا انغمرت واضمحلت في المفاسد صارت شرا، لأن الخير الذي معه يقابله شر، شر نظيره، فيتساقطان ويبقى الشر الذي لا مقابل له من الخير ويعمل عمله. ومن تأمل الواقع في الخلق رأى الأمر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، لا شك في هذا. فعلى كل حال، المؤمن كي سميلانج بور التعوى كي باسيانت، فإلي على خير عظيم، إلي ميو كسلوي كي نسميلانج با. Tout ça, bien sûr, avec des conditions citées par Ahlul Ilm, en se basant sur des autres versets. Anna hadha al-mu'min, il a du ilm pour repousser shahawat. Il a un iman qawi pour repousser shahawat. Et il est apte. Fa fi hadha, si il se mélange pour faire da'wa et il patiente sur hadha al-ba'd al-mu'minin, fa il est à la khayr. Amma celui qui a peur pour son din, qui n'est pas prêt, etc. Fa hadhar. Hadhar, reste avec Ahlul Haqq. Et si tu veux faire da'wah avec quelqu'un, tu n'as pas besoin de te mélanger. Offre-lui un livre, envoie-lui un cours, fais du'a, wa yahsul khayr kathir. Et ce point-là, expliqué plusieurs fois. قال فتبين مما تقدم أن هذه الشجرة المباركة شجرة الإيمان أبرك الأشجار وأنفعها وأدومها. ثم après avoir cité le dernier point, il a cité une conclusion nafia. Cette conclusion, rahmatullah alayh, il a résumé Al-Kitab. Il a résumé le livre. فتأملوا. هذا الكلام il est très très important qu'on va lire. Il est très très simple. وفيه فوائد عظيمة. قال هذه الشجرة المباركة شجرة الإيمان. تقدم معنا أن الشيخ il a fondé ce livre sur le verset sur شجرة الإيمان. Et la foi elle est comparable à un arbre. Et cet arbre c'est un feu. Al-Ajjar, c'est l'arbre le plus profitable. Et Cheikh Saadi, rahimahullah, il a cité certains fruits très bénéfiques qu'on vient de finir. Qala, wa anna uruqaha wa usulaha wa qawa'idaha al-iman wa ulumuhu wa ma'arifuhu. Les racines, les fondements, la base de cet arbre, c'est al-iman wa ulumuhu wa ma'arifuhu. C'est la foi et la science. La foi, elle est basée sur l'ilm. Tu ne peux pas croire en une chose si tu ignores une chose. Donc la foi, elle est fondée sur l'ilm. Al-imanu billah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wa liyawmi l'akhir, wa l'qadr, khayrihi wa sharrihi. C'est ça les fondements, la base de l'iman. Avec tous les autres points de l'aqidah, enfin, al-mu'min, il doit donner de l'importance pour apprendre hadha al-asl. C'est les racines de cet arbre. Un arbre sans racines, il meurt. Hagada, celui qui n'a pas cette base, qui n'a pas أصل الإيمان إلى كما مر. قال وساقها وأفنانها شرائع الإسلام والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة المؤيدة والمقرونة بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما le tronc, les branches et les feuilles de cet arbre, فسي شرائع الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصلاة سي عمود الدين. La salat, c'est un des piliers de ce din. C'est comme un tronc. Wa hakada baqiyatul arkan. Thomas, tu as des autres amal, c'est min al-wajibat. Tu as des autres actions, c'est min al-mustahabbat. Enfin, tout ça, c'est bimanzilat le tronc, les branches et les feuilles. Donc ça nous montre anna al-islam lahu asl. Un asl des fondements, des bases qu'on a cités, les six piliers de la foi. Et kadalik al-iman lahu له شعب النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا الحديث قال وأن ثمارها cet arbre له ثمار il a des fruits comme tous les arbres قال وجناها الدائم المستمر السمت الحسن parmi les fruits de cet arbre السمت الحسن والهدي الصالح le bon comportement suivre la voie droite الخلق الحسن وَاللَّهَجْ بِذِكْرِ اللَّهُ وَشُكْرِهِ نعم essayez d'être régulier dans le dhikr. Plus l'insan il fait du dhikr, plus ça prouve que son arbre il est sain. Son arbre il est très très profitable. قَالَ وَالثَّنَى عَلَيْهِ وَالنَّفْعُ لِعِبَادِ اللَّهِ بِحَسَّبِ الْقُدْرَةِ نَفْعُ الْعِلْمُ وَالنُّصْعُ وَنَفْعُ الْجَاهُ وَالْبَدَنُ وَنَفْعُ الْمَالُ وَجَمِيعُ طُرُقِ النَّفْعِ كَذَلِكَ parmi les fruits de cet arbre النفع لعباد الله. Être utile pour tes frères. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. Ça doit nous motiver à nous entraider. Et ton frère, Robama, il a besoin de ilm. Et ça, c'est l'entraide la plus importante. C'est pour ça que Cheikh Saadi l'a cité au départ. Wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhi. Le fait que tu aides ton frère, tu lui enseignes, tu prends une partie de ton temps pour lui montrer, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aidera. Et on a tous besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hadr de certaines excuses que Shaitan il essaye de nous insuffler. J'ai pas le temps, demain, je suis occupé. Wallahi, si tu prends pas ton temps, tu n'en auras jamais. Le temps, il faut le chercher. Et on a tous du temps. Ça peut arriver un jour, une semaine, une scène, vraiment une affaire, elle lui tombe dessus et vraiment, il n'a pas de temps, ça lui prend tout son temps. Et hada, c'est rare, c'est de temps en temps. Il l'a fait, alhamdoulilah, un être humain normal, il a du temps. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, afdalul khalq, et il donnait beaucoup de temps aux autres. Alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Hatta marra, il a retardé salat al-asr, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, pour réconcilier entre deux tribus. Il leur a donné du temps. Khassatan, dans les choses importantes, khassatan, tout ce qui est lié au din et au ilm. Qal wa naf'u al-jah wal-badan. Ton frère, il peut avoir besoin de ton aide. T'as là une aide physique. Tu l'aides à porter, tu l'aides à déménager, tu l'aides dans tel travaux. Ou un mal, il peut avoir besoin de d'argent. Il a eu un problème, une dette, un accident. Et dans tous les cas, tant que tu l'aides, c'est un khayr énorme. En une phrase, il a résumé, rahmatullah alayh, toutes ces branches, toutes ces shu'ab de la foi, c'est huquq Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le bien. C'est adam haqq. Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala seul. Tu t'écartes du shirk al-akbar wal-asghar. Tu fais des efforts pour suivre un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La ghayr. Si la voix de quiconque, elle contredit un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu délaisses. Kadalik, tu donnes al-haqq à khalq Allah azza wa jal, aux créatures d'Allah azza wa jal. Tes parents, tes voisins, tes enfants, ton épouse, ton professeur, tes frères, etc. Enfin, celui qui fait des efforts via hada, il se ala al khair. Et hadi shajara qu'il a dans le foie, cet arbre qu'il a dans cette shajara allati fi qalbi, plutôt cet arbre qu'il a dans le cœur, c'est un arbre très profitable, très bénéfique. قال وأن هذه الشجرة في قلوب المؤمنين متفاوتة تفاوتا عظيما بحسب ما قام بهم واتصفوه به من هذه الصفات. Et ça, c'est une leçon qu'on a tirée de cette rissa-là. Anna al-mu'minin, ils ne sont pas tous au même niveau. Si tu as compris, anna al-iman yazid wa yanqus, la foi, elle augmente, elle descend. Kadalik, si tu as compris le chapitre sur les fruits de la foi, il n'y a aucun doute que les croyants, ils ne sont pas au même niveau. C'est pour ça que, rahimahullah, il a conclu les fruits en montrant les différentes catégories de mu'min. On n'est pas tous au même niveau. Faliyada min al-khir, c'est que tu prends en considération la situation de ton frère. S'il a plus de bien que toi, Allah il lui a donné du ilm, Allah il lui a facilité des choses, enfin, tu l'aimes fillah, tu le respectes, essaye de profiter de lui. Si c'est un mu'min, il est inférieur à toi, matalan, dans la science, il connaît moins de toi, moins que toi, matalan, certaines choses il n'arrive pas à faire, enfin, fi hadha al-hal, tarhamo. Tu lui fais miséricorde, la douceur, et tu lui veux son bien, et tu essayes d'être une clé de bien pour lui. Et tu le montres, et tu l'aides. قال وأن الفضل في ذلك كله لله وحده. Ça nous montre dans tous les cas, on doit être reconnaissant envers Allah Azza wa Jalla. والحذر من الكبر. Si tu sais plus que un tel, tu as plus de science que un tel, tu es plus ancien que un tel, tu as fait le hijra et un tel il ne l'a pas fait. Wallahi, c'est pas grâce à toi. Là, un tel tu as fait certaines causes. وإلا فالفضل إلى لله وحده. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a choisi, qui t'a guidé. Enfin, sois reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdhar. Et attention de ne pas rabaisser tes frères injustement. Qala wal minnata kullaha balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Ça c'est minna min minanillahi azza wa jal. Al minna c'est comme an ni'ma. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a comblé de bienfaits. Avec هذا الإيمان وإلا كم من الناس à notre époque لا علم ولا درس ولا سنة وبعضهم c'est que الدنيا et بعضهم ils ont complètement oublié de dîner. Bardomi combat de dîner. Bardomi déteste de dîner. Anta, tu vis dans cette époque de fitna et Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait aimer la science. Tu essayes de faire des efforts. Tu aimes le sunnah. Alhamdulillah. Ça, c'est minna. Un bienfait parmi les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. وما بكم من نعمة فمن الله قال وقال أهل الجنة بعدما دخلوها وتبوأوا منازلهم معترفين بفضل ربهم العظيم قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أهل الجنة أساس من أوصاف المؤمنين الناجين الفائزين les croyants quand ils rentreront في الجنة donc ils auront réussi ce test في الدنيا. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a accepté leurs œuvres, il les a agréées. Qu'est-ce qu'ils diront quand ils rentreront ? وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَ لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ أَنْ هَدَانَ اللَّهِ لَوْ لَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ Ça, ça montre un ami de sifat al-mu'minin, أنهم ils reconnaissent que le fait d'avoir été guidé, d'avoir pu faire certaines choses, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité. Si Allah il n'aurait pas voulu, on n'aurait pas pu faire tout cela. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. Vous avez remarqué que au début du verset, on a celui qui a facilité c'est Allah. لولا أن هدانا الله, on n'aurait pas pu. Et à la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala il a cité la cause. تلكم الجنة et ce paradis, vous l'avez eu, vous êtes rentré dans ce paradis, bima kuntum ta'malun, et bisabab, les causes que vous avez faites. Ça, ça nous montre an al-iman, an Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a facilité, ça passe avant les causes. قال الشيخ سعدي فجمع في هذه الآية بين الإخبار باعترافهم وثنائهم على الله بنعمه وفضله حيث وصلوا إلى هذه المنازل العالية. Donc, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité celui qui a facilité à ses croyants d'avoir atteint ces degrés au paradis, c'est Allah Azza wa Jal. قال وبين ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك بمنة الله عز وجل عليهم وهو العمل الصالح الذي هو الإيمان وأعمال. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. C'est le haq subhanahu wa ta'ala, il a cité كذلك la cause. La cause c'est quoi ? C'est l'Iman. L'Iman est tout ce que ça implique. La foi qui est basée sur des connaissances, sur du ilm, la mise en application. Qala wa huwa al-amal as-salih alladhi huwa al-iman wa amal. Donc hada c'est un résumé. طيب. Ce livre ya ikhwan, il est très très important. Ce livre là où il serait enseigné dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les masajid, dans les foyers, il y aurait un khair azim jidd. Vous avez remarqué que Cheikh Sadi Rahimahullah, on arrive à la 91e page dans ma nusra. Non, mais si tu enlèves la Muqaddima, etc., enfin, un peu moins de 90 pages. Et il a résumé, non, ça a commencé à la page 11, 91, donc 80 pages, et il a résumé Ad-Din. La religion, il a résumé, fait Adel Kitab. La base. Et cette base, si elle est ancrée dans le cœur de ce mu'min, ça devient comme un arbre. L'arbre de la foi. Et le mu'min, il en profitera. Et si Allah il lui facilite, il fait des efforts, il fera profiter aux autres. قال الشيخ سعدي فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بالإيمان الصادق وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ça c'est من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. Qu'Allah سبحانه وتعالى il nous facilite l'Iman. Vous avez remarqué que هنا il a précisé الصادق. Pas l'iman que nos parents nous ont enseigné, pas l'iman que forcément les gens ils ont là, l'iman al-sadr qui est fondé sur le kitab ou sunnah. Ça nous montre qu'il y a une démarche, il y a un apprentissage. L'iman c'est pas héréditaire. Bien sûr que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide, mais tu dois faire des causes pour apprendre cet iman. قال وأن لا يكل أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. هذا سند دعاء عظيم que le Nabi صلى الله عليه وسلم faisait. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne te délaisse pas seul un instant. لماذا لأن المؤمن il connaît sa situation. أنه il est faible. أنه il ne possède rien. أنه c'est une créature, etc. Et si ce mu'min il se retrouve seul, Allah il le délaisse, يهلك. C'est pour ça que le mu'min il demande toujours أن Allah subhanahu wa ta'ala لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قال وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. Un autre point essentiel qu'on peut tirer de ce dua, أن celui qui a compris ce livre, qui met en application, qui a la foi, إلى آخره, فليحذر من الأمن من مكر الله. Fais attention de croire qu'il est à l'abri. نعم. On doit toujours corriger notre intention. Et Allah, il est juste. Celui qui a une bonne intention, Allah, il le guidera. Mais on doit faire attention à l'orgueil. On doit faire attention aux annulatifs de Hadal Iman. On doit faire attention aux péchés. Les Hadal Iman, comme taqaddam ma'ana, il augmente, il diminue. Et les raisons de la diminution, c'est les péchés. Et l'insan, si sa foi, elle baisse à cause de certains péchés, khasatan, si ses péchés sont réguliers, khasatan, s'il ne se repent pas, ça peut lui causer énormément de tort. فلهذا تدمد الله سبحانه وتعالى الإيمان الصادق تدمد كو الله سبحانه وتعالى يتادي تأسست تدمد الله سبحانه وتعالى الثبات النبي صلى الله عليه وسلم يغيبتي سوفن هذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك لأن الأعمال بالخواتيم aujourd'hui tu es un مؤمن et demain tu sais pas et on répète الله سبحانه وتعالى كريم ورحيم لكن notre intention. Lui qui a une bonne intention et il est sincère, même s'il a des manquements, Allah subhanahu wa ta'ala, il le guidera. Même s'il a des manquements, ces manquements, comme taqaddam ma'ana, ça le poussera à demander pardon, à se repentir et à revenir. قال ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala min fadlih. Tu as des manquements, j'ai des manquements, on a tous des manquements. On a tous des faiblesses. On a tous des moments d'insouciance, on a des hauts, des bas. فما ندوا با نيجليجي هذا دوموند الله سبحانه وتعالى قال ويهب لنا من لدنه رحمه دوموند الله سبحانه وتعالى الرحمه سي الله يتفي ميزيريكوردي سي باي دون لودولا tu seras parmi ceux qui ont réussi دوموند الله سبحانه وتعالى العلم والعمل دوموند الله سبحانه وتعالى ان يزين الايمان في قلبك دوموند الله سبحانه وتعالى ان يثبتك على الحق Demande à Allah subhanahu wa ta'ala an yuhabbib ilayka al-iman. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala an yubghid ilayka al-kufra wal-fusuq wal-isyan. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuq wal-isyan. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait ce dua. Et l'asl, il est fi al-Qur'an al-Karim. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala أن يمن علينا جميعا بالإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان قال الشيخ سعدي رحمه الله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى الله عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله ابن ناصر السعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين ورقم في الثامن ذي الحجة سنة 1374 والحمد لله رب العالمين. Ceux qui ne comprennent pas l'arabe, on leur conseille de faire des efforts, de réécouter les dourous. On a essayé de basculer entre langue arabe et langue française. Et là, c'est très très profitable pour nos frères. Ceux qui ne comprennent pas du tout l'arabe et qui ont eu des manquements ou des passages où ils n'ont pas compris. Si un de leurs frères il a assisté, يتعاون ensemble, أنه lui montre. Et كذلك le livre il a été traduit en français. فلعله ça peut être profitable هذا. Offrir ce genre de livre à des proches. Ça c'est un livre طيب pour montrer les mérites de l'islam, les fondements de l'islam. Offrir ce genre de livre à des proches. Même musulmans, certains musulmans ils ne connaissent pas ces points, voilà, la plupart à notre époque, كثير منهم ils ne connaissent pas مثل هذه الأمور خاصة certains détails que le cheikh il a cité رحمة الله عليه. فالتعاون في هذا الباب c'est مهم. Donc on a fini ولله الحمد هذا الكتاب et bientôt inshallah ta'ala on commencera un second livre après notre درس de السيرة الفصول de l'imam Nukathir رحمة الله عليه sur la biographie et ça sera inshallah on verra si on peut pour la semaine prochaine وإلا le prochain cours on est mardi le prochain cours c'est jeudi on continuera notre étude de la biographie du prophète صلى الله عليه وسلم et quand on pourra